nous sommes aimés, nos joies se sont offertes et nos cœurs ont battu, poussés par cet instinct qui unit les amants en se fichant du reste. Tu glisses tes doigts par ma chemise entrouverte et pose sur ma peau la paume de ta main. Et les yeux mi-clos, nous restons sans dire un mot, sans faire un geste. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts, nous restons étendus, toi et moi presque nus, heureux, sans rien dire, éclairés d'un même sourire. Après l'amour, nous ne formons qu'un être. Après l'amour, quand nos membres sont lourds, au sein des draps froissés, nous restons enlacés. Après l'amour, au creux du jour, pour aimer.